qui grogne au pied du lit, moi je dis ferme ta gueule. Lui dans son dialecte canin répond qu'il veut pisser et me dit ferme ta gueule. Sur le trottoir tout va bien, il y a ma voisine qui se casse la gueule. Ben oui les crottes de chien, je lui dis que ça glisse et me dit ferme ta gueule. Ouh, voyez-vous, pour pratiquer la politesse, je préfère la bouclée pour éviter les maladresses. Se lève et m'envoie son petit poing dans la gueule. Et comme moi je n'ai peur de rien, je me casse et quand il est loin je lui dis ferme sa gueule. Ouh, voyez-vous, pour pratiquer la politesse, je préfère la boucler pour éviter les maladresses. Maladresse.